Babanks. Chomp, chomp, chomp. Hey, hey. Encore la même journée qu'hier, j'enfile mon flingue avant mon froc. C'est moi qui détaille la quête, c'est moi qui rétille les coups francs. J'suis encore dans le bâtiment, j'suis dans tous les plans foireux. Minuit passé encore avec mes enfoirés. Tout en bas de la pente, pote, le sommet fait que s'éloigne. Higo, moi c'est 30, pour 10 000 j'viendrai jamais. La D du 7, la belle shit, la réussite. First class, bagagerie Louis V dans la soute. On crache pas dans la soupe, mais dans la bouche. Faut que tu saches, bitch. 45, si je te la bouche, passe ça dans le plastique. Rien que ça tartine, rien que ça débite jusqu'à minuit. Il y a des 10, il y a des 12, il y a des olives. Oh, oh, oh, oh. Te chie, c'est l'ophane. Je suis un gros bâtard, j'avance personne, je vends tout au Tide. Oh, oh, oh. Je vais tout agrafer, je suis trop mauvais sur le rap. Je suis dans les bacs dans toutes les CR. Un club de foot, une paire de TN. Dans tous les bagailles, toutes les CR. Encore un gauche qui gratte un poche ton dieu. Tu sais teinté, Monaco marbé, j'y vais plus, je fais trop de photos. Ça parle en diamant, ça fait des années que ça parle plus en roro. Elle me regarde quand j'accélère. Hey, hey, hey, hey. Je fais que doubler les lettres. F-F-R-R. J'ai plus de sentiments sous mes locks. Le RSI c'est pas une lock. CP Company guette le look. Je change de pute comme je change de monde. On fait du bif, le racif, la vie d'artiste. On connaît tout ça. Là je suis à 1002, à voilà mi-temps. Un nouveau bosseur, hein. Je confonds les gyrophares, l'ambulance et de la nasse. J'ai la main pliée depuis tout à l'heure. Je demande une masse. Et même ma sacoche devient trop petite pour ma liasse. Et 50-50, je regroupe, je me trompe, ça m'agace. Oh, oh, oh, oh. Te chie, c'est l'ophane. J'suis un gros bâtard, j'avance personne, j'vends tout au Tide. Oh, oh, oh. Higo, si tu veux gratter, j'vais tout agrafer, j'suis trop mauvais sur le rat. J'suis dans les bacs dans toutes les CR. Un club de foot, une paire de TN. Dans tous les bagailles, toutes les CR. Encore un gauche qui gratte un poche, ton bœuf. J'confonds les gyrophares de l'ambulance et de la NASA. J'ai la main pliée depuis tout à l'heure, je demande une masse. Et même ma sacoche devient trop petite pour ma liasse. Et 50-50, je recompte, je me trompe, ça m'agace. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, un club de foot, une paire de TN. Dans tous les bagages, toutes les CR. Encore un gauche qui gratte un poche tombe. Toutes les CR.